B.O. Sans moi 8 zo. B2O. Pro. Check. 1. Injection. Putain de fuck mon pote ici, faut des putains de dorsaux, un putain de morceaux. Et tous les blocs on leur glock sous les doudounes. Pock pock boulogne mon putain de dôme chaud, un putain d'homme sain, un putain de gun et un chauve, un putain coin. J'enlève ta putain de lingerie, venu pour tout baiser. Les queues c'est pas un E, j'ai pas inscrit. Alors putain d'électorat, mon putain de quartier, une balle dans le thorax que t'auras sans ma putain tweet. J'aurais pas style que tant en temps, tricher pour être riche avant 30 piges. Mon temps écoute mon air, mes nerfs et mon son putain de merde. 9-2, moi j'kick, relâche ma haine, chienne. Putain de croncous, 12, putain de drone. Sans ma 8-0, you know mon putain de 92. Alors j'demande un temps mort, parce qu'on se fait niquer au score. Un flot de porc, j'suis là pour ouvrir d'autres portes. Booba 45. Rien n'a changé à part le change. Demande un temps mort, c'est malheureux, je reviens, c'est dangereux. Écoute, écoute ça, écoute un peu ma banlieue. Temps mort, encore nous c'est dangereux. Rien n'a changé à part le change. Demande un temps mort, c'est malheureux, je reviens, c'est dangereux. Écoute, écoute ça, écoute un peu ma banlieue. Temps mort, encore nous c'est dangereux.